Radio Dur 89.5 MHz, on a écouté la bretonne de Tiny Feet, suivi des Quatuors, Troupa, et à l'instant, les anciens et mouvants We Insist. Romans, BD, documentaires, livres pour enfants ou guides de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Dio. Une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Ce soir, c'est la dernière émission avant Noël. N'ayez pas peur, je n'ai pas prévu de vous parler de livres qui sont traversés par le merveilleux esprit de Noël, quoique ça aurait pu faire une émission rigolote, parce que je n'en vois absolument aucun de livre. Une belle émission d'une demi-heure de blanc, donc avec deux morceaux au milieu. Ça serait peut-être un peu chiant à écouter, mais ça aurait peut-être eu le mérite de me faire sourire en la préparant. De toute façon, je suis sûr que j'aurais paniqué en la diffusant et que j'aurais réussi à faire des couilles au lancement des morceaux. Bref, pas de Noël, même pas de conseils ou de liste d'achat, désolé. Au final, en fait, dans cette émission, dans l'émission de ce soir, je vais vous parler des trois derniers livres que j'ai lus et dont je me suis dit que je pourrais vous en parler à l'antenne dans qui ou quoi. Donc, un documentaire qui n'en est pas vraiment un livre pour enfants et un des meilleurs mangas de Dark Fantasy au monde, c'est ce soir et c'est maintenant dans qui ou quoi. Je vous parle de l'autoroute du kiff, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Et ceux-là vont automatiquement savoir de qui et peut-être de quoi je parle. L'auteur de cette expression, c'est l'humoriste Blanche Gardin. Bien sûr, dit comme ça, l'autoroute du kiff, c'est pas hyper drôle, mais quand c'est Blanche Gardin qui le dit, c'est plutôt drôle, fort et pertinent. Je vais pas me risquer à vous citer plus avant le sketch dans lequel elle utilise cette expression, ce serait ridicule de ma part. Et puis, accessoirement, j'ai pas non plus pris le temps de faire en sorte de vous passer l'extrait, d'enregistrer sur internet, de découper le truc et de vous le passer. Donc on va s'arrêter là pour l'autoroute du kiff. Et le premier livre dont je vais vous parler ce soir, c'est Il faut que je vous parle de Blanche Gardin, et dedans, il y a l'autoroute du kiff. Alors, j'ai une tare qui ne se voit pas au premier abord quand on me rencontre, quand c'est la première fois qu'on me voit, mais j'ai beaucoup écouté Rire et Chanson. Bon, je sais, citer Rire et Chanson sur Radio Duo, je prends des risques de perdre mes auditeurs, mais bon, il se trouve que, pour mon travail de tous les jours, j'ai dû me mettre au courant des humoristes récents à une époque de ma vie où je n'y connaissais strictement rien. Sorti de Coluche et des proches, je connaissais malheureusement Bigard, que je déteste profondément, et puis j'avais énormément de sympathie pour Jamel, Eric et Ramzy ou Florence Foresti, mais sorti de ça, je n'y connaissais absolument rien. Pour faire donc une remise à niveau, je me suis mis à écouter tous les jours Rire et Chanson. Alors ça a plutôt marché, même si j'ai quand même un peu pris le risque de finir débile. Aujourd'hui, je peux me vanter d'avoir un avis étayé sur Chevalier Las Paes ou Laurent Gérard, parce que je connais même certains de leurs sketchs par cœur, à force de les avoir entendus. Il faut savoir que Rire et Chanson marche comme énergie, les mêmes sketchs tournent en boucle sur des périodes données. Mais bon, à force d'écouter des humoristes, j'en suis venu à en parler avec mon entourage, et tout ça m'a permis de découvrir des humoristes comme Blanche Gardin. Et je n'ai jamais entendu Blanche Gardin sur Rire et Chanson, du moins du temps où j'écoutais, parce que j'imagine que depuis ça a changé. Je vous rassure, je n'écoute plus du tout Rire et Chanson, je suis donc redevenu un peu exigeant en termes d'humoriste, mais bon, on ne va pas non plus parler de ça toute la soirée. « Alors, Blanche Gardin, elle a commencé dans le Jamel Comedy Club, une émission dans laquelle je l'avais vue d'ailleurs, lors de ma remise à niveau, mais elle ne m'avait absolument pas marqué à l'époque. En fait, elle a fait son trou petit à petit, elle a joué dans une série de télé, que je n'ai pas vue non plus, elle a écrit un film, Problemos, et puis elle a fait des spectacles seule en scène. Le troisième, d'ailleurs, va bientôt être en tournée. Pour donner une idée à ceux qui ne connaissent pas Blanche Gardin, Blanche Gardin se situe un peu dans une veine à la Desproges, mais en mode stand-up. Donc, elle se réclame aussi beaucoup de l'humoriste américain Louis C.K., qui est aussi un grand stand-upper connu et qui pratique le même genre d'humour, l'autodérision et l'humour pince sans rire à un niveau olympique. Le livre dont je vous parle ce soir, qui s'appelle donc Il faut que je vous parle, c'est en fait le texte intégral de son deuxième spectacle. Blanche Gardin fait partie de ces humoristes, et il y en a, qui ne filment pas leur spectacle. Gage de qualité, je ne sais pas, mais il y en a. Par exemple, je n'ai jamais vu de sketch de Valérie Lemercier, pourtant elle a fait des tournées. Mais rien, même sur YouTube. Alors on peut se dire que c'est pour préserver la nouveauté aux spectateurs, parce que c'est vrai qu'en fait, on peut se poser la question de l'intérêt d'aller voir un spectacle d'humour où en fait on connaît toutes les chutes. Blanche Gardin, donc elle a trouvé la parade et elle a sorti le texte de son spectacle en livre une fois qu'elle avait arrêté de le jouer. Au final, le choix est plutôt bon parce qu'on lui laisse l'interprétation et ce n'est pas rien. Parce que, par exemple, pour préparer l'émission, dans la foulée de la lecture du livre, je me suis rué sur YouTube pour essayer de trouver des images qui correspondaient un peu à ce que je venais de lire. Donc c'est là que j'ai découvert qu'il y en avait très peu, et un sketch par-ci par-là. Mais j'ai quand même trouvé des trucs ou d'autres trucs qui sont pas dans le livre. Et pour le coup, ça a largement accrédité ma thèse quant à la place de l'interprétation. Parce que là où dans le livre, des fois, quand on lit le texte d'un spectacle, certaines chutes ou dégressions affaiblissent complètement le texte ou le propos, et ben l'interprétation rétablit tout l'équilibre. En même temps, un livre comme « Il faut que je vous parle » n'a pas été écrit pour être lu. Donc le côté déséquilibré, on le pardonnera largement. Quand en fait on s'arrête sur le texte, le texte écrit par Blanche Gardin est particulièrement savoureux. L'humour il est bien grinçant comme j'aime, noir diront certains, pince sans rire pour d'autres, mais en fait c'est un peu de tout ça. En tout cas, Blanche Gardin fait partie de ces quelques humoristes qui essayent encore de dire des choses à travers avec l'humour, quoi. Il y a du fond dans les sketchs, contrairement à Chevalier et l'Espalès, par exemple, même si je subodore qu'ils sont persuadés du contraire. Au final, le livre, il est parfait pour qui n'a pas eu la chance d'aller voir le spectacle de Blanche Gardin, comme moi. Et j'imagine que l'avoir vu, en plus, doit être un plus énorme. Donc, pour ça, de l'avoir sorti, je dis bien joué. Sinon, il est parfait pour se délecter de lire et de relire des punchlines de ouf. Et enfin, avoir l'impression d'être intelligent. Parce qu'il donne l'impression, toujours, d'avoir du recul quant à certains mots de la société. Je sais qu'il y a plein d'humoristes qui la portent au nu. Je sais pas si moi je la mettrais dans mon panthéon. Seul l'avenir le dira. Mais en tout cas, j'ai bien rigolé en lisant ce livre. Et ça, c'est cool. Je vous conseille de faire de même. Lately I'm beginning to see signs that you got leaving me on your mind. I get a cold, cold feeling when I touch you. It's hard to face, but I know the truth. You see the handwriting is on the wall. Just looked up and read it all. You're getting ready to call it all. The handwriting, the handwriting is on the wall. The handwriting, show on the wall. Lately when I want make love to you, say you're too tired or some other excuse, I might as well stop fooling myself. There just ain't much love between us left. You see the handwriting De retour dans Qui ou Quoi. On vient de sur Radio Dio, on vient de s'écouter Anne Peebles avec The Handwriting is on the Wall. Et vous êtes toujours sur Radio Dio, on est toujours dans Qui ou Quoi et on continue de vous parler de bouquins. C'est une gageure depuis maintenant plus d'un an que l'émission existe, je commence toujours l'émission par la même phrase. Je ne vais pas vous la refaire une deuxième fois, mais bon, au tout départ, c'était un peu une profession de foi sur le contenu de cette émission. En gros, comme on ne parlait pas de livres sur Radio Dio, eh ben, on va le faire, et si on a envie de parler de livres de cuisine, on y va, de BD, on y va, et de livres pour enfants aussi. On ne va pas se cloisonner ou se retenir de parler de choses qu'on aime. Bref, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas encore eu l'opportunité de parler de livres pour enfants. Eh bien, j'en ai trouvé un dont j'ai vraiment beaucoup envie de vous parler. Ça s'appelle « Le voyage du vent » de Susumu Shingu. J'étais parti pour pas vous expliquer comment j'ai découvert le livre et puis en fait, j'ai changé d'avis. En vrai, je l'ai découvert parce qu'il était conseillé dans Pomme d'Api. Parce que oui, des fois, je lis Pomme d'Api. Mais bon, est-ce qu'il y a vraiment un âge limite pour lire Pomme d'Api? On tranchera peut-être un autre soir, mais je pense que ça vaut bien presque une soirée complète de débat sur Radio Dio. En attendant, je vais juste vous lire la quatrième de couve du livre, qui est à peu près aussi longue que le texte du livre d'ailleurs, mais bon. Donc Le voyage du vent de Susumu Shingu. Voilà le vent, le joli vent, celui qui folâtre un jour de printemps, ébouriffe le feuillage des arbres, façonne les dunes, souffle de toutes ses forces dans les voiles, joue avec les dauphins, croise des oiseaux migrateurs, et se réchauffe auprès d'un petit feu, et enfin s'endort au creux d'une aurore boréale. Au tout départ, donc, le livre est à destination des petits, à partir de 3 ans même. Mais au-delà de son âge supposé, ce livre a quand même une particularité, c'est que c'est un livre animé. Un pop-up, pour être plus précis. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un pop-up, eh ben c'est difficile à expliquer. Surtout à la radio, parce que c'est très visuel. Littéralement, les dessins sortent des pages sous forme de sculptures en papier qui sont pliées quand le livre est refermé, mais quand on l'ouvre et qu'on tourne les pages, les sculptures de papier se construisent littéralement sous les yeux. Un livre pop-up bien fait, c'est carrément magique. Souvent dans les livres pour enfants, les auteurs utilisent ces techniques du pop-up, mais c'est souvent juste un gadget qui n'apporte rien à l'histoire. Un gadget de forme pour en mettre plein la vue, et encore des fois c'est tellement basique qu'on ne remarque rien et qu'on ne ressent absolument rien. Mais bon. Vous l'aurez deviné, Le voyage du vent, si j'en parle ce soir, c'est que c'est exactement l'inverse. Chaque sculpture prend vie et illustre à la perfection le propos. Chaque sculpture est d'une précision hallucinante qui fait que ce voyage du vent est un concentré de poésie. À chaque page qu'on tourne, à chaque sculpture de papier qui sort, on sent le vent dans chaque page, littéralement. Parce que les sculptures de papier sont fragiles et éphémères, et même si c'est une illusion, mais comme elles bougent un peu, on a l'impression que le vent traverse les pages et fait bouger les sculptures de papier. C'est trop beau. L'auteur, donc, c'est Susumu Shingu, un japonais qui a aujourd'hui plus de 80 ans, qui a fait les beaux-arts, qui est professeur à la fac de beaux-arts, dans une fac de beaux-arts au Japon. Il est également peintre, sculpteur, il a fait plein de sculptures dans le monde entier. Il a travaillé avec des architectes et tout et tout. Et surtout, il a écrit plusieurs livres pour enfants que je vous conseille d'ailleurs. Il en a fait un sur les fraises qui est vraiment, vraiment super bien aussi. La particularité en fait des sculptures de ce monsieur, Susumu Shingu, c'est qu'elles bougent avec le vent. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on sait ça, et ben, un livre qui s'appelle Le voyage du vent pour les enfants, ça tombe sous le sens. Le dessin n'est pas bouleversant, mais vraiment je vous assure que le livre l'est. Difficile de faire passer à la radio la magie du truc. Ma page préférée, c'est l'avant-dernière. Alors je vais essayer de vous la décrire. Susumu Shingu explique le vent dans la neige. Et la scène qui sort du livre, c'est une tente sous un ciel bas et gris duquel tombe la neige. Et la tente est entourée de serres et il y a un feu dans la tente. Je trouve que rien que de le décrire, en fait, ça semble complètement impossible qu'il y ait une sculpture qui sorte d'un livre comme ça. Et pourtant, je vous assure que je l'ai vu. Je me répète une dernière fois, Le Voyage du Vent de Susumu Shingu. Il faut essayer de trouver ce livre pour le lire, pour le voir, parce que vraiment, il est trop trop beau. C'était Family Fodder avec Savoir-faire et son refrain en français. On est toujours sur Radio Dio, sur 89.5, et on est toujours dans Qui ou quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur la FM stéphanoise. Nous voici dans la troisième partie de l'émission, et dans cette partie... En général, j'ouvre la BDTech idéale de qui ou quoi. Et ce soir, dans la BDTech idéale, on parle manga. Seinen pour être plus précis, c'est-à-dire des mangas pour adultes. On parle fantasy, de manga de fantasy, ou plutôt de dark fantasy pour être plus précis. Et pour être carrément le plus précis du monde, eh ben, on parle de Berserk de Kentaro Miura. Alors voilà, l'occasion fait le larron, il se trouve que je suis en train de relire pour la troisième fois l'intégralité des tomes parus en France de Berserk. Donc je me suis dit qu'il était temps d'en parler dans qui ou quoi. Au tout départ, je voulais en parler dans un cercle avec mon compère Vincent qui intervient une fois sur deux dans l'émission. Mais je n'ai pas tenu et j'ai décidé de faire sans lui et de vous en parler ce soir. Pour reprendre ma petite intro, Berserk, c'est un peu le manga adulte de fantasy ultime. Un peu comme Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones, il n'y a pas vraiment d'équivalent ou de concurrent sur ce créneau. L'action se situe dans une espèce d'Europe médiévale, genre Moyen-Âge bien dégueu. Berserk raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Guts, à qui il manque un bras et un œil, et qui erre à la recherche d'on ne sait quoi dans un monde peuplé de monstres et d'êtres merveilleux, genre des elfes, etc. Assez rapidement, on comprend que Guts recherche quelqu'un pour se venger. On ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, mais bon, tout ça, je vous rassure, on va l'apprendre. Je n'ose pas en dire plus, parce que vous le savez, moi, j'aime pas du tout spoiler. En plus, dans Berserk, j'ai tellement aimé me prendre dans la face tous les différents rebondissements, toutes les phases différentes du récit, que j'aimerais vraiment qu'il vous arrive la même chose, si vous la lisez un jour, bien sûr. Au tout départ, je ne voyais dans Berserk qu'une espèce de Ken le survivant. Alors la référence parlera aux spécialistes, et surtout aux quarantenaires, ou presque. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ken le survivant, c'est un manga qui s'appelle Okuto no Ken en version originale, mais c'est surtout, pour les gens de ma génération, un animé post-apocalyptique dans lequel le héros peut faire exploser les gens en leur donnant des coups bien placés. Un animé qui passait vers 16h-17h le mercredi après-midi, et qui est un des trucs les plus violents du monde pour un enfant de moins de 11 ans. Bref, c'est pas non plus pour rien que j'en parle et que je le compare à Berserk, parce qu'effectivement, Berserk, c'est violent et c'est sombre. Guts ne se sert pas de son épée comme d'un cure-dent. Quand il se bat, ça découpe, ça saigne, ça meurt dans d'atroces souffrances, et il n'y a pas vraiment de rédemption. En fait, un peu tout ce que moi je demande d'un manga d'action pour adultes. Comme je l'ai dit en intro, Berserk, c'est de la dark fantasy. Alors la fantasy, moi je connaissais, hein, je connais, mais alors la dark fantasy, j'ai dû quand même aller chercher la définition. Donc apparemment, c'est juste de la fantasy dont les thèmes sont sombres et flippants. Bon, ça correspond plutôt bien à Berserk. Vous y trouverez donc tous les ingrédients de la fantasy, et des thèmes sombres, des thèmes noirs, pas forcément super dérangeants, mais on est quand même très très loin d'un Walt Disney. Ici, les biches, on les mange. Pourquoi Berserk est important pour moi? Enfin, à mon sens, pour moi, un premier point, c'est que Berserk renouvelle énormément les personnages de la fantasy. Il n'y a pas de nains râleurs ou de jolis elfes dragueurs. Il n'y a pas de nains du tout, et les elfes ressemblent plus à la fée Clochette. Bon, après, il y a tout un autre bestiaire sur lequel je vais revenir. Personnellement, moi, j'aime bien quand un auteur réussit à réinventer les figures mythiques, à apporter quelque chose de nouveau tout en gardant l'essentiel de la figure, quoi. Harry Potter y arrive, je trouve, bon, on peut en discuter. Teen Wolf, qui est une série télé pour ados avec des loups-garous, elle n'y arrive absolument pas, mais Berserk y arrive. Les elfes et les sorcières, qui sont plutôt des figures fantastiques occidentales, côtoient là, dans ce manga, des monstres japonais absolument terrifiants qui pourraient être vus un peu comme des yokai, ces esprits qui sont partout dans la culture populaire japonaise. Je vous rappelle au passage que Totoro est un yokai. Et ce mélange des deux est extrêmement bien réussi dans le manga. En théorie, on pouvait craindre un ratage complet, mais concrètement, c'est une réussite. Et puis, pour en revenir au dark, comme j'ai dit avant, c'est bien dark, il n'y a pas de souci. Surtout quand on connaît le pourquoi de la quête de Guts. L'auteur prend bien son temps pour poser les personnages, pour qu'on ressente dans nos tripes tout ce qui va se passer. Et donc, une fois de plus, c'est vraiment réussi. C'est d'une force imparable, je pense. La fameuse motivation de la vengeance, la trahison, la déception, tous ces sentiments noirs traversent le drame fondateur de la série, et tout ça n'arrive qu'au 13e tome. Et là, on touche un autre point fort de ce manga, c'est son rythme. Berserk prend son temps. Il est commencé en 89, c'est-à-dire il y a bientôt 30 ans, et Berserk n'en est qu'à, et je le mets entre guillemets, son 39e tome. Et franchement, je pense qu'on est à peine à la moitié de l'histoire. L'auteur Kentaro Miura met apparemment un point d'honneur à fignoler son œuvre, d'où une lenteur de parution qui peut être frustrante quand on attend un livre un an qu'on va lire en 5 minutes, ce qui peut arriver sur certains tomes. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, la plupart du temps, on va binger une série en 3 jours et qu'on l'aura oublié la semaine suivante, se retrouver avec un manga passionnant qui va cultiver notre frustration, nous obliger à retourner au tome précédent pour patienter, et À chaque fois qu'un nouveau tome ne quasiment pas nous décevoir, on est quand même loin des canons de notre époque. À ce titre, j'ai mis, moi, personnellement, du temps à rentrer dans Berserk. J'ai dû essayer plusieurs fois. D'autant qu'avant que le titre sorte de manière régulière en France et ait du succès chez l'éditeur Glénat, un éditeur dont je ne me souviens plus le nom avait essayé de lancer le truc en France. Mais il n'était pas allé plus loin que le 2 ou 3e tome. C'était vers 1996, un moment où le manga était encore balbutiant en France et en pleine ascension en fait. Et on avait l'impression que les éditeurs sortaient un peu tout et n'importe quoi, histoire d'être à la mode et de vendre quoi. Donc ils avaient sorti ces 3 premiers tomes qui n'allaient nulle part, vu que le manga, il est lent. Les 3 premiers tomes ne permettent que de poser l'ambiance et de décrire vaguement le personnage principal et le monde dans lequel il évolue. Ce qui fait qu'on n'a pas l'impression qu'il se passe grand chose et que le tout est un peu vain. Rien que le truc de la vengeance, l'histoire de que lui veut se venger, ça n'apparaît qu'au tome 4. Donc en éditant que 3 tomes, ils sont passés complètement à côté du truc. Et moi, comme j'avais commencé à lire à ce moment-là, eh ben, j'avais lâché l'affaire. Un autre exemple pour cette histoire de lenteur, du tome 5 au tome 13, on est dans un flashback qui va revenir sur l'enfance et l'histoire de Guts. Genre, au tome 4, il te parle d'une histoire de vengeance, tu veux savoir la suite, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui va réussir à se venger, tout ça. Et l'auteur, il s'arrête net et repart en arrière pour une dizaine de tomes qui vont faire qu'on en oublie jusqu'à cette histoire de vengeance. Et puis finalement, tout ça revient d'un coup, et là, ça devient vraiment magistral. C'est vraiment extrêmement bien fichu, prenant, haletant, etc. J'ai vraiment plein de superlatifs à propos de ce manga. Seul bémol, parce qu'il en faut bien, il y a quand même beaucoup de scènes d'action dans Berserk, et malheureusement, elles ne sont pas tout le temps lisibles. Donc on ne comprend des fois absolument pas ce qui se passe du tout. Alors quand on pense que l'auteur met un an pour dessiner des scènes auxquelles on ne comprend rien, ça fait un peu de la peine. Mais bon, l'essentiel est ailleurs, la puissance du récit, le rythme, le monde décrit, les personnages rattrapent largement ce défaut. Donc je résume, Berserk de Kentaro Miura, c'est glauque, c'est sauvage, c'est violent, et c'est vraiment bien. Voilà, donc c'était la 7e émission de la 2e saison de Qui ou Quoi. Je vous rappelle les 3 livres dont on a parlé. Il faut que je vous parle de Blanche Gardin, un recueil de ses textes du deuxième spectacle de l'humoriste. Le Voyage du Vent de Susumu Shingu, un livre pop-up qui est vraiment de toute beauté et qui est vraiment hallucinant. Et le manga Berserk de Kentaro Miura qui est en cours de parution, hein, on est sur le 40e tome, j'ai peur qu'il meure avant d'avoir fait la fin, mais bon, j'espère qu'il laissera des notes avec la fin et qu'on aura quand même un peu la fin, ça va pas s'arrêter en plein milieu. Bref, c'était ces 3 livres, en vrai, si vraiment vous voulez, vous pouvez les acheter pour Noël. Mais bon, rien ne vous y oblige, de toute façon le plus important c'est de les lire. On se donne rendez-vous dans 2 semaines avec le fameux compère Vincent. En attendant, vous pouvez réécouter toutes les anciennes émissions sur le site de Radio Dio en podcast ou sur archive.org. La semaine prochaine à la même place, Radio Gaga. Je vous dis bonne fin de soirée et à dans 2 semaines.